À deux on peut le faire, mais seulement si tu veux. À deux on peut les faire taire, même en enfer je te veux. À deux on peut le faire, mais seulement si tu veux. Et si on doit s'unir en enfer, même en enfer je te veux. Oh girl, yeah. Ouais, j'en ai promis des choses. Mais là, je vous assure qu'on y est, vraiment. Taiki. Delios.